Une information provenant de l'hôpital à l'effet que... L'hôpital Northwestern annonce... Que le 43e président George W. Bush est mort. Mort. Est mort il y a quelques minutes. On nous confirme que le président... Une information provenant de l'hôpital à l'effet... C'est pas évident, mais j'en ai pris. Et ça m'a rendu un peu foufou, parce que le corps humain n'est pas fait pour la drogue. D'abord, c'était super, j'ai cru, c'était une illusion. Et grâce au sport, j'ai pu m'en sortir. Et grâce à Dieu.